السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc après une interruption, on reprend les cours du résumé, l'explication du livre d'unicité, شرح كتاب التوحيد, et c'est le ملخص de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى. On est arrivé au chapitre qui s'intitule بابو بيان شيء من أنواع السحر. On avait pris le hadith إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت, et on avait rapporté l'explication de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى par rapport à ce hadith. Et aujourd'hui on commence à la parole de l'auteur. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والحديث sur la parole de l'auteur رحمه الله تعالى رواه أبو داود بإسناد صحيح. L'auteur qui est Cheikh d'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit, d'après Ibn Abbas, car les agrée tous deux, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque apprend une branche de l'astrologie aura certes appris une branche du sihr. Et autant il apprend de l'astrologie, autant sa part de péché augmente comme le péché du sihr. C'est-à-dire la personne qui s'adonne au sihr. Et le hadith est rapporté par Abu Dawood avec une chaîne de transmission authentique. Il est rapporté notamment par Ibn Majah et Ahmed dans son Musnad. Explication du grand savant Cheikh Al-Fawzan, hafidahullahu ta'ala, par rapport à cette partie du matn, du texte de Cheikh Al-Islam, Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullahu ta'ala, dans Kitab al-Tawhid, alladhi huwa haqqullahi ala al-abid. Il dit, man iqtabasa, ay man ta'allama. Man iqtabasa, c'est quiconque a appris. Shu'batan ta'ifa wa qit'ah. Une partie et un segment. Shu'batan min al-sihr al-ma'loum tahrimu. Shu'batan min al-sihri dont le caractère illicite est connu. On est à la page 206. Page 206. Zada ma zad. يعني كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل إثم الساحر أو زاد من اقتباس شعب السحر مثل ما زاد من اقتباس علم النجوم. زاد ما زاد, autant il augmente en apprentissage de la science, de l'astrologie, autant il augmente en termes de péché, comme le péché du sahir, ou il augmente en apprentissage de branches du sihr, proportionnellement à son augmentation en apprentissage de la science de l'astrologie. المعنى الإجمالي للحديث. يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي والتحذير أن من تعلم شيئا من التنجيم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم وكلما زاد تعلمه التنجيم زاد تعلمه السحر وذلك لأن التنجيم تحكم على الغيب بحيث إن المنجم يحاول اكتشاف الحوادث المستقبلة التي هي من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. Le sens général de ce hadith, le hadith ibn Abbas رضي الله عنهما, est le suivant. Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم informe dans ce hadith d'une information qui a valeur d'interdiction et de mise en garde. Que quiconque apprend quoi que ce soit de l'astrologie aura appris quelque chose du sihr qui est illicite. Et autant son apprentissage de l'astrologie augmente, autant son apprentissage du sihr augmente. Et cela, car l'astrologie sait se prononcer sur l'invisible, car l'astrologue tente de dévoiler les événements futurs qui font partie de la science de l'invisible que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. يعني من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. Le rapport entre le hadith et le chapitre. مناسبة الحديث للباب. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فيه أن التنجيم نوع من أنواع السحر. Le rapport entre ce hadith d'Ibn Abbas et le chapitre, quel chapitre? Le chapitre, comme on a dit, Kebab ou Bayani, Shein, Ibn Anwa al-Sihr. Chapitre dans lequel Cheikh l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il met en évidence et il explique certains genres et certains types de sihr. Et donc, le rapport entre le hadith d'Ibn Abbas rapporté par Abu Daoud ibn Majah et Ahmed dans le Musnad, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a informé que l'astrologie est un genre de sihr. Les enseignements tirés de ce hadith. ما يستفاد من الحديث أولا تحريم التنجيم الذي هو الإخبار عن المستقبل اعتمادا على أحوال النجوم لأنه من ادعاء علم الغيب. Le premier enseignement tiré de ce hadith, le caractère illicite de l'astrologie qui est d'informer au sujet du futur en se basant sur la situation des étoiles, car cela fait partie de la prétention de connaître la science de l'invisible. Deuxième point, أن التنجيم من أنواع السحر المنافي للتوحيد. L'astrologie fait partie des genres de sihr qui s'opposent à l'unicité. ثالثاً أنه كلما زاد تعلمه للتنجيم زاد تعلمه للسحر. Troisième enseignement, autant son apprentissage de l'astrologie augmente, autant augmente son apprentissage du sihr. On continue dans le matn. قال المصنف رحمه الله تعالى وللنسائي من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه. والحديث أخرج النسائي والجزء الأخير من الحديث شواهد يتقوى بها أخرج الشاهد الترمذي وأحمد والحاكم. L'auteur qu'a les faces miséricorde, il dit, toujours dans ce chapitre qui met en évidence et qui explique des genres de sihr. Et chez An-Nasa'i, d'après le hadith d'Abu Huraira, quiconque noue un nœud et y souffle aura commis du sihr. Et quiconque a commis du sihr aura associé à Allah. Et quiconque se sera accroché quelque chose sera confié à cette chose. Il est rapporté par An-Nasa'i, comme on l'a dit, et la dernière partie du hadith a des témoins, c'est-à-dire des chaînes de transmission qui le renforcent, et donc par lesquelles il se renforce, et cela a été rapporté par At-Tirmidhi, numéro 2073, et Ahmed et Al-Hakim. À la kulli hal, l'explication de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit, « Man aqada uqdatan » على شكل ما يفعله السحرة من عقد الخيوط ونحوها. من عقد عقدة على manière des سحرة pluriel de ساحر qui noue des fils etc. ونفث فيها. النفث أو النفث هنا هو النفخ. النفث هو النفخ من مع ريق وهو دون التفلي. Et il souffle, souffler, c'est-à-dire il souffler avec de la salive. Et c'est moins que cracher. Faqad sahara, ay, ou crachoter si vous voulez. Faqad sahara, ay, fa'ala sihra al-muharrama. C'est-à-dire qu'il a commis le sihr qui est illicite. Waman ta'allaqa, waman sahara faqad ashraka. Lan al-sihra la yata'atta bidouni shirk. لأنه استعانة بالشياطين. Et quiconque commet le sihr aura certes associé à Allah. Car le sihr ne peut être appliqué sans association à Allah. Il ne peut être établi que sans association à Allah. Car c'est une demande d'aide aux démons. L'isti'ana, on avait déjà dit dans plusieurs cours, c'est talab ul-aoun. C'est le fait de demander de l'aide. وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ أي من تعلق قلبه بشيء واعتمد عليه وكله الله إلى ذلك الشيء وخذله. C'est-à-dire que son cœur s'est accroché à quelque chose et a compté sur cette chose. Et donc, Allah le confie à cette chose et le délaisse. Le sens général du hadith. يبين صلى الله عليه وسلم نوعا من أنواع السحر وحكمه محذرا أمته من تعاطيه فيقول إن من أنواع السحر أن يعقد العقد في الخيوط ونحوها وينفخ في تلك العقد نفخا مصحوبا بالرق وذلك أن السحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدون من السحر فتتكيف نفسه الخبيثة بالشر ويستعين بالشياطين وينفخ في تلك العقد فيخرج من نفسه الخبيثة نفس مقترن بالريق الممازج للشر ويستعين بالشياطين فيصيب المسحور بإذن الله الكون القدري. Le sens général du hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, met en évidence un genre parmi les genres de sihr, ainsi que son jugement, mettant en garde sa communauté de s'y adonner, et dit, sallallahu alayhi wa sallam, que parmi les genres de sihr, c'est de nouer des nœuds, et dans des fils et autres, et de souffler dans ces nœuds, d'un soufflement accompagné de salive. Et cela car les sahara, lorsqu'ils veulent commettre le sihr, il noue des nœuds et souffle dans chaque nœud jusqu'à ce que se noue ce qu'il désire comme sihr. Et donc, sa mauvaise âme se modèle par le mal et il demande ou se façonne, se modèle par le mal et il demande l'aide aux démons et souffle dans ses nœuds et donc sort de sa mauvaise personne, de sa mauvaise nefs, un souffle accompagné de salive mélangé à du mal et demande l'aide aux démons. Et donc celui qui subit le sihr, al-mas'hur, celui qui subit le sihr, qui est la victime, est touché par ce sihr avec la permission d'Allah. Quelle permission d'Allah? Il a dit, ibnillah al-kawni al-qadari. D'accord? C'est-à-dire la permission d'Allah d'existence et de prédestination. On ne parle pas ici de la permission d'Allah dans la législation, al-shar'i. Hein? Vous comprenez la différence? D'accord? C'est-à-dire que pour que ça arrive, Allah doit permettre que ça arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'Allah l'aime et l'agrée, au contraire, Allah l'interdit. C'est ça que ça veut dire ici. D'accord ? Munasabatu al-hadith lil-bab. Anna fi bayana naw'in min anwa' al-sihr, wa huwa al-sihr al-'uqadi al-musamma bil-'azima. Le rapport entre le hadith et le chapitre, toujours le chapitre où Cheikh l'Islam Mohammed al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il cite des genres de sihr, il y a dans ce hadith la mise en évidence d'un genre parmi les genres de sihr. Et c'est le sihr des nœuds, qui est appelé al-azima. Ma yustafadu min al-hadith, ce qu'on en tire comme enseignement de ce hadith. Awalan, bayanu naw'in min anwa' al-sihri. وهو ما كان بواسطة العقد والنفث. La mise en évidence d'un genre parmi les genres de sihr est ce qui est pratiqué au moyen des nœuds et du soufflement. ثانيا أن السحر شرك لأنه استعانة بالشياطين. Le sihr est une association à Allah car c'est une demande d'aide aux démons. ثالثا أن من اعتمد على غير الله خذله الله وأذله. Quiconque compte sur autre qu'Allah, Allah le délaisse et l'humilie. On continue dans le matn. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit, et d'après Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne vous informerai-je pas de ce qu'est l'adhu. C'est le colportage des paroles ou de paroles entre les gens comme on va le voir dans le sharh, de manière à causer du tort entre les gens, de semer discorde, de couper les liens, de diviser les cœurs. Et vous connaissez la différence entre le riba ou le namima, qui sont souvent mal traduits, parce qu'on traduit souvent le namima par la médisance. En fait, le riba, c'est la médisance, et le namima, c'est le fait de colporter cette médisance. De manière à, c'est-à-dire que tu colportes ce que dit la personne A sur la personne B, de manière à ce qu'entre A et B, il y a des problèmes. C'est ça, en fait, le namima. Et vous allez comprendre, Inch'Allah, pourquoi Shir al-Islam, ça fait partie de son fiqh, de sa compréhension de la religion, pourquoi elle a cité ce hadith ici, sur al-Namima, dans les genres de sihr. Et ce hadith est rapporté par un musulman, comme on a dit. L'explication de Shir al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit « Ala, adatu tanbih, ala ici en arabe, ala hal unabbi'ukum, ala » c'est un article utilisé pour attirer l'attention. Unabbi'ukum, ukhbirukum, je vous informe. Al-adhu, c'est la racine du verbe bifath al-ayn, al-ayn wa sukun al-dad, masdaru 'adaha ya'adahu 'adhan, bima'na kadaba wa sahara wa namma, namma, namma, c'est le verbe de namima, namma. Wal muradu bi huna al-sihr. Al-adhu, c'est la racine du verbe adaha qui a le sens de mentir et de pratiquer le sihr et de pratiquer le colportage de médisance. Et le sens ici est le sihr. An-namima, naqlu al-hadith ala wajh al-ifsad. C'est le colportage de paroles de manière à causer du tort. Al-qalatu, kathratu al-qawl wa iqa'u al-khusumati bayna an-nas. بما يحكى للبعض عن البعض. C'est parler beaucoup et provoquer les disputes entre les gens en rapportant ce que certains médisent sur d'autres. Le sens général du hadith, المعنى الإجمالي للحديث. أراد صلى الله عليه وسلم أن يحذر أمته عن السعاية بين الناس بنقل حديث بعضهم في بعض. على وجه الإفساد فافتتح حديثه بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفوس وأدعى للانتباه فسألهم ما العضه أو ما العضه عفوا ما العضه بس كان سكون شغل الضاد العضه أي ما السحر ثم أجاب عن هذا السؤال بأن العضه هو نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد وكثرة القول وإيقاع الخصومة بينهم لأن ذلك يفعل ما يفعله السحر من الفساد وتفريق القلوب. Le sens général du hadith. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu mettre sa communauté en garde contre le fait d'aller entre les gens en rapportant ce que certains médisent sur d'autres, de manière à causer du tort. Et il, sallallahu alayhi wa sallam, a donc commencé son hadith par une formule interrogative, et ce afin que cela s'ancre mieux dans les esprits des gens. Et afin que les gens y prennent plus attention. Et donc, il, sallallahu alayhi wa sallam, leur demanda « qu'est-ce que al-adhu ?» C'est-à-dire, qu'est-ce que le sihr ? Et il répondit à cette question en disant qu'al-adhu est de rapporter les médisances des gens aux autres de manière à causer du tort. Et de beaucoup parler, et de provoquer des disputes entre eux. Qu'est-ce que font les sahara ? C'est-à-dire le pluriel de sahir, en termes de tort et de séparation des cœurs. Le rapport entre le hadith et le chapitre qui cite des genres de sihr. مناسبات الحديث للباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن النميمة نوع من أنواع السحر. Le prophète صلى الله عليه وسلم y a mis en évidence que le colportage de médisance est un genre de sihr. Ce que l'on tire comme enseignement de ce hadith. ما يستفاد من الحديث أن النميمة نوع من أنواع السحر. لأنها تفعل ما يفعله السحر من التفريق بين القلوب والإفساد بين الناس لا أن النمام يأخذ حكم الساحر من حيث الكفر وغيره. Ça c'est un point important ici. Donc le cheikh il dit, premier point, le colportage de médisance est un genre parmi les genres de sihr, car il fait que ce que le sihr fait en termes de séparation des cœurs et de corruption de relations entre les gens. Et pas que le colporteur de médisance prend le jugement du sahir en termes de mécréance et autres. C'est important qu'on prenne la différence. D'accord ? Deux, تحريم النميمة وأنها من الكبائر. Le caractère illicite du colportage de médisance, et cela fait partie des grands péchés. ثالثا, التعليم على طريقة السؤال والجواب. لأن ذلك أثبت في الذهن وأدعى للانتباه. Troisième faïda et dernière pour cette partie du chapitre, l'enseignement par la méthode des questions et des réponses, car cela s'ancre mieux dans l'esprit et cela suscite plus d'attention. Dernière partie de ce chapitre, قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. Ce hadith, peut-être que vous connaissez ce qu'il est assez répandu, ce hadith. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari wa Muslim. C'est pour ça qu'il a dit walahuma. Walahuma, ay, lil Bukhari wa Muslim. Cheikh l'Islam Mohamed al-Wahhab, rahimahullah, il a dit, et d'après eux deux, c'est-à-dire le Bukhari wa Muslim, que le fils d'Omar, ibn Omar, Abdullah ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, qu'elle les agrée tous les deux, a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a certes dans l'éloquence une sorcellerie. Innal fil bayan ila sihra. Al-Bayan, explication de Cheikh Al-Fawzan maintenant des termes, Al-Bayan, Al-Balaghatu, Wal-Fasahatu. Al-Bayan, c'est la prose et l'éloquence. La sihra, ay, ya'malu amal al-sihri, fayaj'alu al-haqqa fi qalib al-batili, wal-batila fi qalib al-haqq, fayastamilu qulub al-juhal. La sihra, c'est-à-dire qu'il commet l'action du sihr. Cette prose, cette éloquence, elle commet l'action du sihr. C'est-à-dire la conséquence, les mêmes conséquences, comme on va voir. Et donc, met la vérité sous l'apparence du faux, et le faux sous l'apparence du vrai. Et donc, il conquiert les cœurs des ignorants. Le sens général du hadith, le ma'na al-ijmali du hadith. يبين صلى الله عليه وسلم نوعا آخر من أنواع السحر وهو البيان المتمثل في الفصاحة والبلاغة لما يحدثه هذا النوع من أثر في القلوب والأسماع حتى ربما يصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق كما يفعل السحر والمراد ذم هذا النوع من البيان الذي يلبس الحق بالباطل ويموه على السامع. Le sens général du hadith, Cheikh Al-Fawzan hafidahullah ta'ala, il dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met en évidence un autre genre de sihr, après les genres qu'on a déjà cités ici dans ce chapitre. Et c'est le discours qui se traduit par la prose et l'éloquence. Et ce, en raison de ce qu'il suscite comme résultat dans les cœurs et les oreilles des gens, à tel point qu'il se peut qu'il présente la vérité sous l'apparence du faux, et le faux sous l'apparence de la vérité, comme le fait le sihr. Et ce qui est entendu ici, c'est le blâme d'un genre, parmi les genres de discours, qui présente le faux sous l'apparence de la vérité et qui l'embellit aux oreilles des gens. Munasabatul hadith lilbab, anna fihi bayana naw'in min anwa'i sihri, wa huwa ba'dul bayan. Le rapport entre le hadith et le chapitre est qu'il y a dans ce hadith la mise en évidence d'un genre parmi les genres de sihr, et c'est certains discours. Vous voyez la précision des ulama, certains discours, pas tous les discours. Ma yustafadu min al-hadith. D'ailleurs, si on voulait mieux traduire « Inna min al-bayan illa sihra », moi j'ai traduit par « Il y a certes dans l'éloquence une sorcellerie ». On devrait mieux dire, d'ailleurs, pour être plus précis, « Il y a dans un certain type d'éloquence une sorcellerie » ou dans certains discours éloquents une sorcellerie. « Ma yustafadu min al-hadith » les enseignements tirés de ce hadith. اولا بيان نوع انواع السحر وهو البيان الذي فيه تمويه وتلبيس. La mise en évidence d'un genre parmi les genres de sihr est le discours dans lequel il y a une falsification et une tromperie. Deuxième فائده الفائده الثانيه ذم هذا النوع من البيان وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويدحضه فهو ممدوح أو يدحضه فهو ممدوح. Le blâme de ce genre de discours, quant au discours qui clarifie la vérité et l'affirme et rend caduque le faux et le réfute, cela est alors loué, c'est-à-dire c'est louable, c'est une bonne chose. Et Cheikh Al-Fawzan, dans un autre livre ou dans un autre dars, il explique, il dit ça. Il dit que le bayan, l'éloquence, etc., c'est pas toujours medmoum, c'est pas toujours réprouvé. C'est réprouvé quand c'est utilisé d'une mauvaise manière. Hein, comme les hizbiyoun, ils le font actuellement, al-bida' al-ahwa. Hein, certains d'entre eux ont une façaha, c'est une réalité. Certains d'entre eux ont une façaha. Ils ont un charme, ils ont une manière de parler qui captive les gens. Ils ont une éloquence dans la parole. Et qui fait que les ignorants parmi les gens pensent que c'est la vérité. Non pas par le fait que c'est la vérité, mais en raison de leur éloquence. Du fait qu'ils arrivent à captiver les esprits et à faire passer le faux comme si c'était de la vérité. D'accord ? Tandis que la façaha des gens de la vérité, le bayan des gens de la vérité, qui montrent le haq et qui utilisent cette belle éloquence, comme certains ulama, comme ils parlent avec éloquence, avec prose, comme ils expliquent bien les choses, etc., et comment ils captivent les esprits, etc., ça c'est une bonne chose. Ça c'est le bayan qui est quoi ? Qui est memdouh. Donc il n'est pas toujours medmoum, et il n'est pas toujours memdouh. Donc il faut voir dans chaque situation. C'est ça que veut dire le shir ici. Avec cela, on termine le cours d'aujourd'hui. وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.